Comme tous les mardis, on retrouve Raymond Poirier et la chronique numérique. Bonjour Raymond. Bonjour Dominique. Et toujours des sujets très fouillés comme à l'habitude. J'aime bien aller plonger aussi dans cet univers-là, aller voir des thématiques qui risquent de s'imposer au fil des prochaines années. Dans ce cas-ci, c'était un événement hier qui avait lieu, un colloque sur les données massives. On en a quand même parlé un peu déjà au fil des chroniques, mais un colloque qui nous permettait de voir un horizon de ce qui s'en vient, de ce qui se prépare. Donc généralement, quand ça se développe en recherche, ça veut dire que ça va faire le transfert vers l'industrie et vers la société au sens large, assez prochainement quand même. Des tendances donc qui seront peut-être à surveiller. On parle donc aussi du big data en anglais. C'est une technologie en fait qui a plusieurs applications là, dans plusieurs domaines. Oui, ben en fait, essentiellement, et peut-être pour rappeler un peu aux gens qu'est-ce que le big data, on parle chez certains, en fait, du nouvel or noir, du nouveau pétrole, donc de celui du 21e siècle, donc les données qu'on génère quotidiennement, à chaque heure, à chaque minute, donc sur le web, sur les médias sociaux, dans les entreprises, dans nos autos, dans nos téléphones, les positions géographiques, la force des vents, donc toutes les données qui sont quantifiées, mesurées ou qui sont récoltées au sens extrêmement large. Donc évidemment, ça fait une quantité immense de données, ça amène des défis aussi importants. Il y avait un chercheur qui nous disait, regardez, on ne peut pas simplement mesurer des données une fois qu'elles sont récoltées dans le contexte de Big Data, il faut plutôt les mesurer ou tenter de les mesurer le plus possible en temps réel parce que le flux est constant et parce qu'on ne peut pas dire, bon, on va prendre ces données-là, on va les mettre là pour plus tard, parce que plus tard, on va avoir autant, sinon plus de données qui vont être récoltées et à mesurer, et éventuellement, on va se retrouver devant une douzaine d'Everest. Donc, c'est majeur, c'est massif, et d'ailleurs, en fait, les gens disent, regardez, les données massives, c'est souvent la vitesse d'émission de ces données-là, la vitesse de ce flux, c'est le volume, donc la quantité, et c'est évidemment à travers tout ça le défi de trouver des données qui sont vraies, qui sont utilisables, qui sont intéressantes et qui vont apporter quelque chose. C'est toute la difficulté réside dans créer du sens, essayer d'ordonner ces données-là en raison de leur caractère massif, mais qui arrive à faire de la visualisation de ces données-là, à leur donner du sens, à les traiter ces données-là, ben là il tient quelque chose d'assez important entre ses mains qui a une valeur monétaire aussi. Donc tu as assisté pour nous, Raymond, à ce colloque scientifique sur les données massives. Et il a été question notamment du deep learning. Et bon, ça a piqué ma curiosité un peu parce que j'ai un intérêt quand même pour les technologies. Pourtant, le deep learning, ça ne me disait pas grand-chose. Et j'ai découvert en fait qu'il s'agit d'une technologie d'apprentissage automatique. En fait, c'est une technologie d'intelligence artificielle et elle est présente déjà dans nos téléphones intelligents. On l'utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. En fait, ce qui est intéressant avec le deep learning, c'est que c'est un peu la prochaine étape de ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Et là, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas encore entendu parler de l'apprentissage machine. C'est comme, oui, mais on est rendu à l'apprentissage machine peut-être globalement dans les usages courants. Le deep learning, c'est l'étape suivante. Alors, essentiellement, donc comme tu disais, Dominique, c'est un paramètre d'apprentissage qui va être le paramètre d'apprentissage dominant pour les tâches liées à l'intelligence artificielle dans lesquelles il y a une large quantité d'éléments à forer, une large quantité de données disponibles. Alors, évidemment, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on arrive à travers le deep learning à apprendre pas seulement des mots, pas seulement des chiffres, mais à pouvoir aussi apprendre des images, pouvoir apprendre à l'ordinateur à comprendre une image, à l'analyser, reconnaître, à pouvoir la décrire. Le chercheur Aaron Courville de l'Université de Montréal nous montrait des images, par exemple, de quelqu'un qui lance un frisbee et selon les termes qu'on allait chercher à travers la machine pour mettre de l'avant, mais la machine était capable d'identifier l'endroit dans l'image où se trouvait le frisbee, où se trouvait un chien, où se trouvait un arbre et le reste. Donc, d'être capable de bien saisir ces éléments-là. Quand on parle à Siri, par exemple, sur son iPhone et on lui demande « Montre-moi des images d'un chat », le téléphone, ça lui parle, ça, le mot « chat » et il est capable de nous montrer des photos finalement où ils reconnaissent cette même forme, ces mêmes données. Et là on va un peu plus loin en fait, dans la mesure où Siri par exemple va surtout utiliser des algorithmes de recherche un peu comme dans Google Images, donc où on met chat, ça va nous donner des images avec le chat, mais où on va chercher peut-être plus l'information autour de l'image, donc le titre de l'image, certains éléments descriptifs, le texte autour de cette image-là, il reste pour essayer d'imaginer quel pourrait être le contenu. Et c'est pour ça que des fois, quand on fait des recherches relativement précises, eh ben on va avoir des images qui, oui, répondent exactement à ce qu'on cherche, et d'autres qui répondent pas du tout à ce qu'on cherche, parce qu'il y a quand même un degré d'erreur. Avec le deep learning, c'est qu'on va pas simplement regarder le contexte autour de l'image ou le sujet de l'image lui-même, mais on va regarder les données de l'image. Donc, on va une étape plus loin. Et là, on tombe un peu dans du calcul relativement complexe. Moi-même, en fait, je suis pas du tout de ce domaine-là. Je suis dans les communications. Alors, par moment, je regardais ça, je me dis, OK, est-ce que je comprends bien ce qui est dit? Mais essentiellement, donc, l'idée, c'est qu'on a une image. L'image peut être séparée en une série de layers, de différents volumes. Plusieurs couches. Plusieurs couches, ouais. Exactement. Alors, dans ces couches-là, ben, chaque couche va nous donner différentes informations. Chaque couche peut être séparée en d'autres couches aussi. Et ça, on fait ça pour chaque pixel de l'image. Ouais. Donc, on va dans un détail quand même extrêmement précis. Et une fois qu'on fait l'analyse, on est capable d'avoir toutes les informations qui sont nécessaires avec l'image. On peut en venir à être capable de recomposer l'image au bout du processus, mais avec l'information condensée. Donc, c'est vraiment, dans le fond, une manière qui nous permet d'aller chercher l'information qu'on peut aller creuser dans les données, dans les images, dans tout ce qui se retrouve à travers ça. Et ce qu'on nous a dit, et ça c'est un autre professeur, Philippe Giguère de l'Université Laval, qui lui est en robotique intelligente, il dit, ben pour nous, en robotique, le deep learning et la compréhension de l'image, ça va être un paramètre majeur de changement pour les possibilités en robotique. Parce que le robot va être capable de reconnaître, par exemple, ici sur la table au studio de CKRL, j'ai des micros, j'ai des écouteurs. Si je dis à mon robot, attrape l'écouteur, sans lui indiquer précisément le geste qu'il doit faire, eh ben, il sera pas nécessairement capable d'aller le chercher parce qu'il ne sait pas nécessairement c'est quoi la forme d'un écouteur, c'est quoi la profondeur. C'est un peu comme un enfant à qui découvre plein de nouveaux objets, oui. Finalement. Incroyable qu'on puisse montrer ça à un robot, finalement. Oui. Ouais. Et là, avec, justement, une compréhension d'image, ben, il va être capable de regarder cette image-là, il va être capable, de comprendre un peu ce qu'il doit faire et d'aller agripper, dans le fond, l'objet qu'on lui demande. Évidemment, par contre, ce qu'on nous disait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire pour en arriver là, parce que il faut réussir à ce que le robot puisse reconnaître des objets de tout type, sur des fonds différents, et ça, c'est pas gagné d'avance. Donc, pour l'instant, ce qu'ils sont capables, c'est de reproduire avec un même fond, avec une même distance, avec un même objet qui a les mêmes dimensions, ils sont capables de le refaire plusieurs fois et de lui faire apprendre cet élément-là. Mais éventuellement, ça va être de se distancer un peu de tout ça. Mais avec le deep learning, c'est clair que ça va nous donner donc des possibilités en robotique. C'est un exemple d'application du deep learning. Je t'en lance un deuxième peut-être pour qu'on saisisse bien aussi que ça peut avoir des incidences assez larges. Donc, on parlait de robotique. On peut aussi parler de surveillance. Je pense qu'on parle quand même pas mal de cybercriminalité, de surveillance ces jours-ci. Ça se retrouve dans l'actualité avec le journaliste Patrick Lagacé qui a été espionné. On a appris qu'il a été espionné en fin de compte par le service de police de Montréal, et tout ça a même été tweeté ça par le lanceur d'alerte Edward Snowden. Et ça Dominique, en fait, d'ailleurs pour l'anecdote, c'était à peu près en même temps que la conférence sur justement la surveillance que j'écoutais hier. Et ça, on parle de surveillance du web, donc c'est quelque chose d'assez qu'on voit, qu'on connaît. Mais il y a une autre surface au web, et ça pourrait, en fait, tous les sujets, j'ai l'impression, dont je te parle présentement, pourraient faire l'objet de chroniques détaillées. Et ça, c'est un sujet sûrement sur lequel je vais vouloir revenir. Donc, c'est l'idée du dark web. Et là, on a l'impression d'être dans une... qu'on sortirait nos barbes, nos fausses barbes pour avoir nos versions sombres de nous-mêmes. Mais donc, le web, le dark web, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'essentiellement, on va présentement naviguer sur Internet là où on est invité à aller naviguer. Mais il y a des endroits sur lesquels nous ne sommes pas invités à aller naviguer. Nous n'avons pas accès à ces endroits-là. C'est des forums, des pages d'échange, des lieux sur lesquels il faut être soit invité pour y aller, ou il faut utiliser d'autres types de logiciels pour aller naviguer sur ces endroits-là. Ce sont des pages web qui ne sont pas indexées, oui, dans les moteurs de recherche comme Google. Alors, on peut pas deviner non plus l'adresse de ces endroits-là. Puis, il semble que le dark web, là, ce web caché, ça représente une partie importante du web, plus que on pourrait le penser. Une partie importante du web et une partie évidemment où c'est un peu la racine de plusieurs mouvements cybercriminels, terroristes et le reste. Alors, on comprend qu'il y a évidemment un intérêt à aller explorer ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve. Et là, il y a deux axes intéressants là-dessus. C'est que premièrement, on parle de données massives. Évidemment, tout ce qui est sur le web est indexé à quelque part. Donc, de quelle manière, on peut réussir à pénétrer ces endroits-là pour pouvoir avoir accès aux données qui sont générées par les utilisateurs de ces différents forums, lieux d'échange, etc. Et parallèlement, comment on est en mesure de comprendre ce qui est dit. Et ça, c'est l'autre défi. Parce qu'on parlait de reconnaître des objets, c'est une chose. Et maintenant, si on dit à la machine, à partir des algorithmes d'apprentissage dont on parlait tantôt, reconnaît maintenant les textes, reconnaît la notion de parole humaine. Parce que pour l'instant, on parle beaucoup, ça commence à rentrer un peu dans la conscience populaire, dans les chatbots. Donc, ces logiciels qui, entre guillemets, et très gros guillemets, dialogue avec nous. C'est évidemment disponible déjà sur Facebook Messenger notamment, oui. Et ils sont capables de dialoguer avec nous, mais en utilisant des extraits de messages qui ont déjà été notés. Ils généreront pas du texte intelligemment, si on peut dire. Comme le ferait un être humain, là, Et ils seront pas nécessairement capables de comprendre les degrés de sens que nous, on va mettre quand on va écrire, donc au niveau de l'émotivité. Parce que l'écriture humaine, c'est pas que les mots, c'est le contexte, c'est le profil de la personne qui écrit, c'est l'objectif qu'on a quand on l'écrit, donc c'est quand même assez large. C'est pas évident. Alors, dans le fond, et ça, c'est Richard Courret à l'Université Laval qui dirige une équipe de recherche où, essentiellement, son objectif, lui, c'est de comprendre l'utilisateur, de permettre à la machine de comprendre l'utilisateur, d'aller dans un contexte plus large de messages, de pouvoir dire, bon, OK, par exemple, je veux comprendre tel message, j'ai accès à 50 000 articles de forum écrits par cette même personne-là, et je suis en mesure de comprendre sa manière d'écrire, son ton, ses objectifs. Donc, il y a des données à travers lesquelles je peux interpréter ce message précis-là. Ce message précis-là s'inscrit dans une suite d'échanges. Cette suite d'échanges-là me permet d'apprendre tel élément. Donc, encore là, je peux en arriver à un certain degré de compréhension. Évidemment, comme le chercheur disait, plus les messages sont courts, plus c'est difficile à analyser parce qu'on a moins de contexte, plus ils sont aussi délocalisés, si on peut dire, d'un contexte plus général, ça rend encore la tâche un peu plus difficile. Mm-hmm. Mais pour l'instant, donc, il y a quand même nettement la possibilité de pouvoir réussir à bien comprendre la nature de ce qui est dit, de ce qui est échangé à travers tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est pas fait, mais qui se fera dans les prochaines années, ça c'est certain. Oui, et tu nous parlais tout à l'heure de deep learning là. On voit que ça évolue très rapidement dans le temps. Il y a 5 ans, on n'était pas capable du tout de cette technologie-là n'était presque pas connue. Donc ça se développe très rapidement finalement. Et si en 5 ans on en est là, on peine à imaginer où on sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais ça évolue très très vite. Et Dominique, il y avait un chercheur en droit qui était là. Tu m'ouvres la porte pour l'anecdote, en fait. Il y a quelqu'un qui lui a demandé, est-ce que vous avez l'impression que le droit réussit à suivre l'évolution numérique? Et il dit, pas du tout, somme toute. On est vraiment à la remorque de ce qui se passe. Ça évolue beaucoup trop vite pour que le droit et la jurisprudence soient en mesure de s'adapter, parce que, dans le fond, pour qu'une situation se retrouve en cours, ça prend quand même quelques années entre le dépôt de la requête et le jugement final. Alors, les articles de droit sont pas nécessairement, j'irais pas nécessairement à jour à cet égard-là, mais Vincent Gautret de l'Université de Montréal disait tout de même que ça devenait essentiel, compte tenu de cet élément-là, mais compte tenu aussi que éventuellement tout ça va se retrouver dans un contexte judiciaire où éventuellement le droit va arriver à rattraper en partie ces éléments-là, et aussi par nécessité d'avoir un contexte normatif d'exécution, que ce soit pas l'Ouest sauvage, si on peut dire tout ça, alors qu'il y a une nécessité, lui disait... Oui, ça prend un encadrement légal. Oui, en fait, lui disait law by design, en fait, que dès qu'on monte un projet numérique autour, exemple, de questions liées aux données massives, puisqu'il y a des questions de sécurité de vie privée et le reste qui s'élève, mais qu'il y ait nécessairement une dimension légale qui soit mise en place pour l'ensemble des projets, pour permettre aux juristes d'explorer aussi et d'anticiper peut-être un peu mieux les éléments légaux. Et comme pour l'instant, il n'y a pas encore disons, de grande jurisprudence autour de tout ça, lui recommandait et disait, mais regardez, il s'agit de démontrer que tous les efforts ont été mis en place pour préserver l'anonymité, pour préserver la sécurité, pour préserver la vie privée, dans les cas où ça s'applique, évidemment, et que, ben, à tout le moins, on peut démontrer une question de bonne foi dans les travaux qui ont été exécutés, mais reste qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, là, ne serait-ce qu'au niveau légal sur des thématiques comme celle-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de considérations légales, parce que tu nous parlais de données massives tantôt, mais les données, c'est nous. Il y a beaucoup de données qui sont récoltées au sujet des individus, des internautes, et évidemment, il y a plein de questions sur la vie privée que tout ça pose. Est-ce que tu me permets d'en t'ouvrir une autre mini-porte? Tu m'ouvres la porte, Dominique, c'est le fun. Est-ce qu'il y avait une autre conférence, en fait, où il y a quelqu'un, c'est José Fernandez de Polytechnique Montréal, qui était là, qui disait, à la limite, ce qui serait pertinent, ça serait d'établir une nouvelle science qui serait la santé publique cyber. Ah oui. Donc, l'idée, c'est qu'on a pour la société, pour la qualité de l'air et le reste, une santé publique qui émet des recommandations. Ces recommandations-là peuvent amener des changements comportementaux au niveau des décideurs, au niveau des citoyens et le reste. Et ce qu'il disait, c'est que éventuellement, il y a des questions de santé qui sont purement cybernétiques et qui ont trait aux usages numériques qu'on fait, ne serait-ce qu'à savoir quel antivirus utiliser, sur quelle base recommander, quels éléments, quels usages. Alors, il disait, mais pourquoi pas ne pas mettre en place une santé publique qui serait à 100% intéressée par les questions numériques. Et avec l'exemple des antivirus, lui, c'est pour l'instant ce qu'il a étudié, mais ce qu'il a remarqué, c'est que, par exemple, pour tout ce qui est logiciels, disons, malicieux, donc des virus un peu plus intenses, mais qu'on est protégé également par l'ensemble des antivirus qui sont disponibles sur le marché, gratuitement ou payant, ça faisait aucune différence. Mais par contre, quand on allait dans les logiciels nuisibles, mais là, subitement, il y avait une différence importante, donc ce qu'on appelle les adware, donc ce type de petit logiciel-là qui suit nos comportements commerciaux, qui vient ralentir notre ordinateur et le reste, mais ça, il y avait une différence majeure entre les différents fournisseurs, que cette différence majeure-là s'expliquait souvent par des questions légales sur le fait qu'il y a moins d'incitatifs financiers pour que les fournisseurs puissent décider d'agir un peu en ce sens-là. Alors, lui disait, regardez, c'est peut-être une question de santé publique aussi. Un organisme pour la santé publique numérique, on est rendu là. qui l'eût cru? Raymond Poirier, toujours fort intéressant. On apprend beaucoup, beaucoup de choses avec toi, et tu seras de retour la semaine prochaine pour nous entretenir encore de beaux sujets. Il y a plusieurs colloques, conférences qui s'en viennent. Oui, en fait, ce sera un gros mois de novembre en général, j'ai l'impression. Et déjà, juste en fin de semaine, j'ai deux événements auxquels j'ai le plaisir de participer. Il y en a un qui c'est un marathon d'innovation santé. Donc, des programmeurs, des designers, des patients, des médecins, des praticiens du milieu de la santé qui vont être sur place pendant à peu près 56 heures à l'Université Laval. Pour voir comment on peut mettre la technologie au profit du réseau de la santé. Au profit du réseau de la santé, dans des initiatives terrain, si on peut dire. Donc, ça, c'est un marathon d'innovation. Et le lendemain, le lundi, ça c'est les vendredi, samedi, dimanche, donc 4, 5, 6 novembre. Et le lundi 7, là, je vais avoir le plaisir d'assister une journée sur les systèmes d'information géographique et la cartographie au 21e siècle. Donc, ça risque d'être aussi intéressant. C'est également à l'Université Laval. Alors, sûrement qu'il y en a un des deux dont on va reparler mardi prochain. Raymond Poirier, merci beaucoup. Fait plaisir.